Si. Sans garantie, comme ça je m'introduis sur le beat. Ce combat on kiffe contre nous-mêmes, instinct de survie. Si t'as pas compris, moi je m'en tape de percer. Demande à Calif, c'est chaud comme un proche qui perçait une audience. Je veux pas dire que je serai là plus tard. Ça, c'est le sort qu'il désigne, revanchard pour la plupart. Vu notre score, tu te désistes. Rap, c'est mon sport, j'évite de me doper l'esprit. Ma vision, j'ai forgé vite. Pour cela, faut payer le prix. Ma vie démarre mal, c'est pas sûr que j'ai des marmots. Je vis plein de markman. Je crie, crois pas que je marmonne. Faut pas que je déconne, car je tiens ma vie entre deux mains. Un soir, je vais dans une boîte, pas sûr que j'y rentre demain, c'est pas garanti, un soir sur deux les manières calent. C'était pas garanti comme faire un feat avec Nirka. Rap, misère, malchance, c'est à peu près mon histoire. Dans ce monde y'a pas de garantie, j'crois pas au rêve prémonitoire. Prends garde on kick, le game c'est sans garantie. Sacrof calife, dis-nous si t'arrives à suivre. Pas le temps de rêvasser, tous une mission à accomplir. Un seul combat à gagner, donc le destin c'est moi contre lui. Tout est écrit, mais sur cette planète rien n'est sûr. On avance dans des ronces et on s'en sort pas sans blessure. Par la vie, j'suis déçu mais je ne mets jamais mon aisure. La coca, j'suis ton vite accro. Heureusement assez tôt je l'ai su. Sacrof calife, ces deux armes et là on tire. Magnum Kalash, qu'on te brade c'est là on tease. A la base, nous on est deux gars gentils. Y'a de quoi prendre notre place dans le rap, mais ça reste sans garantie. De toute façon, je crois que sur cette terre, rien n'est très sûr. On n'a pas de chance et nous c'est pas. Demain on va gratter le trésor. Ta vie peut bien démarrer puis finir en cauchemar. Ou tu peux commencer clochard et finir au volant d'une Porsche noire. Je m'écorche moi, t'acquis rien sans stratégie. Si ton kiff c'est frapper, après qu'il fera ce sera tes fils. Qui me dit qu'on va s'en tirer, ça se trouve le placard nous attend. J'y pense de temps en temps, on rappe et seul le placard nous entend. Écrire des textes sans garantie, ça n'a rien d'humanitaire. Beaucoup de méga en chie, ça va pas vu la mine terre. La vie nous donne des coups, elle n'y va pas de main morte. Sur terre, y'a pas de garantie pour remplacer un mort. Prends garde au kick, le thème c'est sans garantie. Sacrof calife, dis-nous si t'arrives à suivre. Pas le temps de rêvasser, tous une mission à accomplir. Un seul combat à gagner, donc le destin c'est moi contre lui. Tout est écrit, mais sur cette planète rien n'est sûr. On avance dans des ronces et on s'en sort pas sans blessure. Par la vie, j'suis déçu mais je ne mets jamais mon aisure. La coca, j'suis tombé d'accro, heureusement assez tôt j'l'ai su. Je veux vivre avec ma femme, ça aussi c'est pas garanti. Mais si une autre me traque, je la déjarre sans galanterie. Galastri, j'accélère, jamais je ralentis. J'ai pas la clim, il me faut de l'air, tu piges, je crois pas que je parle en ch'ti. Je suis pas anti, quelque chose, non, je suis parasite. Je suis le parasite, mais j'aime, mais pas sûr qu'il y en ait pas d'autre par la suite. Aboutir mes projets, je voudrais y parvenir. Pas sûr que tu vois mon avenir, moi je choisis pas mon avenir. Mais poteau, dis-moi, son avenir qui peut le prétendre. Je vois pas plus loin que là, c'est triste comme un mois de décembre. Y'a pas d'audimat, rap, je tire comme à la pétanque. C'est le microclimat que t'écoutes qui serait peut-être temps. Moi le futur, j'ose pas l'imaginer. Sûr que je serais pas mal fêteur, merde, ne pique l'imaginer. Tu t'en rends pas compte, pour toi ça fait juste boum boum. Trop de temps derrière la feuille, pour ça j'irai jusqu'au bout. Prends garde au kick, le thème c'est sans garantie. Sacrof calife, dis-nous si t'arrives à suivre. Pas le temps de rêvasser, tous une mission à accomplir. Un seul combat à gagner, donc le destin c'est moi contre lui. Tout est écrit, mais sur cette planète rien n'est sûr. On avance dans des ronces et on s'en sort pas sans blessure. Par la vie, je suis déçu mais je ne mets jamais mon aisure. La coca, je suis tombé d'accro, heureusement assez tôt je l'ai su. Bah ouais poto, Sacrof calife.